Mes requins traînent au studio, mes requins traînent au quartier. Elle aime marcher sur les Champs-Élysées, en graisse les potes du portier. Pour une soirée mondaine, à la test la paire de requins sur un compète. En contact pour une affaire avec des Air Force One. Mes requins n'ont rien d'une paire de Weston, donc elle perd son calme. Quand elle est neuve, elle en jette. C'est vrai qu'elle est rejette, mais ça fait plaisir à la petite sœur en survête. C'est avec son lacet que le tox fait son carreau. Astaro, elle est toujours au pied d'un accusé dans le box. Usé même chierté, on la porte fière d'elle. Les requins risquent ses semelles, galèrent parfois toutes les semaines. Les chapeaux sont intensifs, elle ne passe pas aux aveux. Les requins avancent avec la grâce de Dieu. Son périnée, c'est la chaussure étoilée, symbole de l'éternel conflit de la Palestine. Elle est partout, vieille ferraille, gamos et galant box. Partout, parloir, café, hall de ta cité. C'est là-bas qu'elle a trouvé sa rage, entourée de 180 Air Max et de URH. Deux spé branchés sur 100 000 volts, qu'il pleuve ou qu'il vente. La paire de requins vend sa drogue. Frollo, son meilleur poteau, c'est la paire de chocs requins. Parce que l'homme est un prédateur, un grenouille de vérité. Sur la paire de baskets requins, c'est celle-là qu'on porte parce qu'elle est chère et qu'elle nous va bien. On vient d'en bas gros, et ça tu le vois bien. En caïra dans ma paire de requins, un grand doigt de vérité. Sur la dent des magic requins, c'est celle-là qu'on aime parce qu'elle est chère et qu'elle nous va bien. On vient d'en bas gros, et ça tu le vois bien. En caïra dans ma paire de requins, un grand doigt de vérité. Ah ouais, c'est la paire de requins mon pote. Même moi je la porte. Celle-ci, j'ai un casse dédié à tous les frères du bon char. Les requins sont dans les vitrines à nous faire effacer. Elles sont dans les chichas et les cabarets. Piétinent une cigarette dans un pareil aux voix. Mes requins accélèrent les voitures pétas. Attirent les motards sur une bécane. La béton snorée, les gros chiennes aux grandes potes. La paire de requins, c'est les petits jeunes et les six gros qui la portent. N'insiste pas trop, t'auras les kistés sur les côtes. Mes requins se privent vers pour aller frimer sur la côte. Comme ensemble dit à des fâches du Maroc. Les requins sont frais parce qu'elles coûtent grave des euros. Si tes requins trafiquent et qu'elles sont semées, attache forte et la selle pour les jours où tu devras courir. C'est pour les courageux requins noirs, virgule argenté, celles qui font les belles soirs pour une nouvelle paire de jantes. Quand c'est chaud, les requins sautent par la fenêtre, marchent dans la peau pour vesquer la maison d'arrêt. Mais rien ne l'arrête, les requins sont pas les reins. Elle fait le bonheur des nouveau-nés comme des assassins. En garde à elle sert de coussin. Le sommeil profond, ma paire de requins est libérée sous caution. Elle ne se chie pas dessus, même face à 12 000 père, sartin, cousin. Si tes requins ont foulé le sol de la Mecque, c'est une classique paire pour les caïds. Et si tu veux me faire plaisir, c'est un bon cadeau pour la grand doigt de vérité. Sur la paire de baskets requins, c'est celle-là qu'on porte parce qu'elle est chère et qu'elle nous va bien. On vient d'en bas gros, et ça tu le vois bien. En caïra dans ma paire de requins, un grand doigt de vérité. Sur la dent des magic requins, c'est celle-là qu'on aime parce qu'elle est chère et qu'elle nous va bien. On vient d'en bas gros, et ça tu le vois bien. En caïra dans ma paire de requin, un grand doigt de vérité. Sur la paire de baskets requin, c'est celle-là qu'on porte parce qu'elle est chère et qu'elle nous va bien. On vient d'en bas gros, et ça tu le vois bien. En caïra dans ma paire de requin, un grand doigt de vérité. Sur la dent des magic requin, c'est celle-là qu'on aime parce qu'elle est chère et qu'elle nous va bien. On vient d'en bas gros, et ça tu le vois bien. En caïra dans ma paire de requin, un grand doigt de vérité.